J'ai une femme, mesdames, messieurs, un vrai cyclone. Oui, sur mon âme, je vous assure que elle détonne. J'ai une femme, mesdames, messieurs, une vraie tétonne. Elle crache des flammes quand je dis que je la trouve mignonne. Cette femme-là, c'est un conseil, ne la contrariez pas. Parlez tout bas, elle vous surveille, préférez l'omerta. Ne lui dites pas qu'elle est très belle, elle vous casserait le bras, mais ne croyez pas qu'elle est cruelle. C'est qu'elle ne comprend pas. Une fois, je lui ai dit, mon amour, je t'aimerai. Faut que je te bourre, je t'ai trompé un jour. Je me suis pris son décibel de larmes de cri, je suis cruel, c'est qu'en colère elle est si belle. Je l'exaspère, ma tourterelle, elle détruisit toute la vaisselle, puis m'aplatit et m'écartèle, elle me fouette à coups. Et après quoi, un coup de hache. Et puis l'autre jour, quand on mangeait, je lui disais que j'aimais les pâtes sauce tomate. Ça, toutes les putes qui se promènent là, coin de la rue au bazooka, une vraie brute, oui j'étais là, j'ai tout vu, elle est estropia, les demoiselles, filles de joie, coup de truelle, sauce écarlate, coin de la rue, des putes en pâte, j'aurais pas cru. J'ai une femme, mesdames, messieurs, quand elle bougonne, elle vous condamne, sauf qui peut, c'est une sauvageonne. J'ai une femme, mesdames, messieurs, qui a les hormones. Il a des armes pendant qu'elle vous bâtonne. Cette femme-là, c'est un conseil, ne vous en approchez pas. Elle est à moi, j'aime qu'on la craigne et je suis maso parfois. Cherchez pas à la calmer, elle vous pèterait le nez. Laissez-la moi, je suis touché. C'est une passionnée. Je suis hospitalisé, j'ai les deux bras cassés. Ça y est, je suis émasculé, je suis presque crevé. Ça y est, je sais qu'elle m'aime et qu'elle ne va pas m'achever. Ça y est, tu sais, je t'aime. Oh merde, je t'ai énervé. Est-ce que tu sais que c'est mon chevalet?